Nous sommes les décalés, les reclus, les ninjas. Nous sommes ceux qui rentrent pas sur la session. Nous sommes les ninjas meurent quand même. Nous sommes des inventeurs quand même. Nous sommes musiciens quand même. Ça dépend à quel moment tu rentres dans la session. En tout cas, ça reste une ninja session. Okay. Nous sommes. Nous sommes. Ok. Ouais. Because we are about to listen, about to make cup. Coffee cup. And the day when I look back. Hey.